Le comité préparatoire maltais pour le rendez-vous en l'honneur des grands hommes avec Toussaint 2017 vient d'être constitué. Il a décidé d'organiser des activités politico-culturelles en l'honneur de Kim Il-sung, Kim Jong-il et Kim Jong-un à l'occasion du rendez-vous 2017. Le même comité danois est constitué aussi à Copenhague.